بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فها نحن في هذا الكتاب الجديد من عمدة الأحكام كتاب الصيام. Et donc nous commençons aujourd'hui ce nouveau chapitre toujours dans le livre عمدة الأحكام, le chapitre du jeûne, كتاب الصيام. فالصيام والصوم لغة الإمساك. Et donc الصيام, donc ce qu'on appelle le jeûne, الصيام ou الصوم dans la langue arabe, c'est الإمساك, le fait de s'abstenir, l'abstinence. كما قال الله تبارك وتعالى عن مريم, comme Allah il a dit de Maryam, فكولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Alors dit, j'ai certes fait un vœu au tout miséricordieux. J'ai fait un vœu au tout miséricordieux de faire as-sawm. As-sawm, donc on a traduit, donc on a expliqué par el-imsek, le fait de s'abstenir. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun individu. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun individu. فَأَمْسَكَتْ عَنِ الْكَلَمِ فَكَنَ صَوْمًا لُغَةً. Elle s'est donc abstenue de parler, et donc ce fut un saum. Donc ce qu'on a traduit par le jeûne. Mais là, ici, on va le traduire par l'abstinence. Et donc c'est ce qu'on appelle le saum, le siyam dans la langue arabe. وَكَذَلِكَ يُقَلْ صَوْمَتِ الْخَيْلِ إِذَا أَمْسَكَتْ عَنِ السَّيْرِ. De la même façon, on dit somet el khayl, le cheval. On utilise le verbe somet, le verbe qu'on utilise pour jeûner aussi. Et donc, on va utiliser ce verbe lorsque le cheval s'abstient d'avancer. Lorsque le cheval s'abstient d'avancer, on utilise toujours le verbe somet. Tout ça pour dire que le verbe somet, le terme som, siyam, s'applique pour le fait de s'abstenir. أما معناه في الشرع ذكر العلماء تعريفات مختلفة. En ce qui concerne sa signification, la signification du صوم, du jeûne dans la législation, alors les savants ont cité plusieurs définitions. وأجمل ما قيل هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. Et donc la plus belle définition qui a été donnée donc parmi les définitions du jeûne, c'est que le jeûne dans la législation, c'est le fait d'adorer Allah Ta'ala par le fait de s'abstenir, le fait de s'abstenir de toute nourriture et de boisson et toute autre chose qui rompt le jeûne, et ce, depuis l'apparition, donc dès l'apparition du deuxième fajr, parce qu'on a vu qu'il y a deux fajr, le premier qui vient, une lumière qui vient de façon verticale, puis qui s'en va. Et le deuxième fajr, une lumière qui vient de façon horizontale, à l'horizon, puis qui s'étale jusqu'à l'arrivée donc du soleil. Et donc, le jeûne qui commence à partir du deuxième fajr, l'apparition du deuxième fajr, jusqu'au coucher du soleil. C'est ce qu'on appelle le jeûne dans la législation. Et le jeûne dans la législation, il se peut qu'il soit obligatoire comme il se peut qu'il soit recommandé. والصوم الواجب منهم ما هو واجب من أصل الشرع ومنه ما ليس كذلك. Et le jeûne obligatoire. Donc on a dit que le jeûne se divise en deux, le jeûne obligatoire et le jeûne surérogatoire. Le jeûne obligatoire, il se divise en deux. Il se peut qu'il soit obligatoire, il a été rendu obligatoire à la base de la législation. C'est-à-dire le jeûne du Ramadan, à la base de la législation, le jeûne du Ramadan, il est obligatoire. Deuxièmement, صوم واجب بسبب من الإنسان. Deuxièmement, un jeûne qui est devenu obligatoire à cause d'une cause qui vient de l'individu. Exemple, النذر, le vœu. La personne fait le vœu de jeûner tel et tel jour. Il lui est obligatoire de jeûner. الكفارة, l'expiation. La personne a fait un acte qui nécessite une expiation, de jeûner tant de jours. Il est obligatoire de jeûner. Là, ce n'est pas par rapport à la base de la législation, c'est par rapport à l'acte de l'individu en lui-même. وأما الصيام المستحب فمنه ما هو غير مقيد بزمن فيصوم المرء لأنه أراد التقرب إلى الله تعالى بالصيام دون أن يكون متعلقا بزمن معين كما جاء في السنة. Et en ce qui concerne le jeûne surérogatoire, alors il se peut que celui-ci ne soit pas lié à un moment précis. L'individu va donc jeûner parce qu'il veut se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala en jeûnant, sans que cela soit lié à une période précise. Comme cela a été cité dans la sunna. Akhraja muslimun fi sahihihi, an Aisha radiallahu anha qalat, dakhala alayya an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam dhata yawmin faqala hal 'indakum shay? Faqulna la. L'imam muslim, il a cité dans son recueil, selon Aïcha radiallahu anha, qui dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu me voir un jour en disant: est-ce que vous avez quelque chose? Avez-vous quelque chose à manger? Aïcha qui dit: alors on a dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et donc je suis aujourd'hui jeûneur. Je suis aujourd'hui jeûneur. Et donc ici, la jeûner, ce n'est pas parce que c'était un jour spécifique ou autre. Ce n'était pas parce que c'est Ramadan ou autre. Il a jeûné parce qu'il voulait jeûner. Et ici, vous remarquez, la maison du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait rien à manger. Il n'y avait pas à manger. Il faut qu'on médite sur ça. Nous, nos situations, parfois, l'aisance dans laquelle on vit, nous pousse à oublier les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala sur nous. Parfois on va voir qu'il y a si, mashallah, aujourd'hui il n'y a pas de viande. Aujourd'hui il n'y a pas de viande. Ça va être des pâtes ou du riz avec quelque chose, une sauce, des légumes, mais il n'y a pas de viande. Allahul Musta'an. Comme si c'était une défaite, comme si c'était quelque chose de grave. Tout ça parce que on a trop l'habitude de ces délices et que on a perdu le fait, que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui nous accorde ce qu'il veut et que nous on accepte ce qu'il nous accorde. Regardez la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait rien. Idhan as-sawm al-mustahab minhu ma huwa ghayru muqayyad bi zaman. Et donc le jeûne qui est recommandé, il se peut qu'il ne soit pas lié à un moment précis, comme on l'a vu maintenant l'exemple. Mais il se peut qu'il soit aussi lié à un moment précis. Exemple, siyam ou arafa, le fait de jeûner arafa. Ou alors, le fait de jeûner yawm al-ithnayn wal-khamis, le fait de jeûner le lundi et le jeudi. C'est un jeûne qui est recommandé à un moment précis. Taïb, vous allez me dire, ya Abdelkarim, ma fa'idatu dhalik. Abdelkarim, quel est l'intérêt de nous avoir dit ça? Le jeûne obligatoire, il se divise en deux. Obligatoire à la base de la législation. Obligatoire par la cause de l'être humain. Il se peut qu'il soit recommandé. Recommandé lié à un moment spécifique. Recommandé à n'importe quel moment. Pourquoi est-ce qu'on doit savoir ça? Li'anna al-ahkam takhtalif, parce que les jugements vont changer. As-sawm al-wajib lahu ahkamu wa as-sawm al-mustahab lahu ahkamu. Le jeûne obligatoire, il a ses règles, et le jeûne surérogatoire a ses règles. Dans le jeûne obligatoire, tu vas trouver le jeûne qui est imposé à la base de la législation, Ramadan, il a ses règles. Le jeûne qui est imposé par une cause de l'individu à ses règles. Et donc, il faut que toi, Abdullah et Amatullah, il faut que vous arriviez à faire la distinction entre tout ça. Et tout ça, on va le voir, inshallah ta'ala, petit à petit. Bi'idhnillah. Fassawmu ibadatun faradaha Allah tabaraka wa ta'ala ala ibadihi fi kulli al-umam. Le jeûne est une adoration que Allah tabaraka wa ta'ala a imposée à ses serviteurs dans toute communauté. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit aux communautés d'avant vous afin que vous atteigniez la piété. Wa hadha yadullu ala fadli hadhihi al-ibada wa ahammiyatiha. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala awjaba alayna as-siyam linanala taqwa. Et donc cela nous montre les mérites de cet acte d'adoration ainsi que son importance, le jeûne, le fait que Allah Azza wa Jal ait imposé cet acte d'adoration à toutes les communautés. Cela montre l'importance de cet acte d'adoration. Et aussi le fait que Allah Tabaraka wa Ta'ala nous ait imposé cet acte d'adoration afin que l'on atteigne la piété, on atteigne sa crainte, et taqwa. Fassaimu yarju ridwana rabbihi. لِمَا قَامَ بِهِ مِنَ الصَّبْرِ عَلَى الْجُوعِ وَالْعَطَشِ وَعَدَمِ التَّلَذُّذِ بِمَا تَشْتَهِيهِ نَفْسُهُ. Et donc le jeûneur va espérer obtenir l'agrément de son Seigneur à cause de ce qu'il a accompli lorsqu'il a enduré face à la faim et la soif et le fait de s'abstenir d'assouvir ses envies. فَالصَّائِمُ يُقَدِّمُ رِضْوَانَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى مَلَذَّاتِ الدُّنْيَا. Et donc le jeûneur va faire prévaloir l'agrément d'Allah le Très-Haut au-dessus des désirs de ce bas monde. وَكَذَلِكَ الصَّائِمُ يُمَرِّنُ نَفْسَهُ عَلَى الْقِيَامِ بِمَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَتَرْكِ مَعَاصِيهِ. Et de la même façon, le jeûneur va entraîner sa personne, il va habituer sa personne à l'accomplissement des ordres d'Allah et au fait de délaisser ses interdits. فَإِنَّ الصِّيَامَ الشَّرْعِي لَيْسَ مُجَرَّدَ الْإِمْسَاكِ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَاللَّذَّةِ الْجِنْسِيَّةِ. Car le jeûne légiféré, ce n'est pas simplement le fait de s'abstenir de manger ou de boire ou d'avoir des rapports. Ce n'est pas seulement cela. Wa innama siyam huwa aidan mujahadatu an-nafsi fil istimrar ala ta'atillah wa tarki ma'asi. Mais le jeûne, c'est aussi le fait de s'efforcer à persister dans l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala et dans le fait de délaisser ses interdits, comme ashara ilayhi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a montré. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يضع طعامه وشرابه. البخاري cite dans son recueil selon Abi Huraira رضي الله عنه que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: celui qui ne délaisse pas les paroles mensongères et le fait d'œuvrer avec celle-ci, alors certes, Allah se passe du fait que celui-ci délaisse sa nourriture et sa boisson. Et donc le jeûne, ce n'est pas juste le fait que tu arrêtes de manger ou de boire, mais c'est aussi le fait de persister dans l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. وَكَذَلِكَ الصَّائِمُ يَذْكُرُ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. De la même façon, le jeûneur, il va se rappeler des bienfaits qu'Allah lui a accordés, comme nourriture et boisson. Lorsque tu jeûnes et que tu as le ventre vide, tu te rappelles de ces jours où tu pouvais prendre la viande, où tu pouvais prendre ceci. Tu vas te rappeler donc des bienfaits qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a accordés. وَكَذَلِكَ الصَّائِمُ يَتَذَكَّرُ حَالَ إِخْوَانِهِ الدُّعَفَاءِ وَالْفُقَرَاءِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَسُدُّ حَاجَتَهُمْ. Aussi le jeûneur, il va se rappeler la situation des faibles et des pauvres, ceux qui ne trouvent pas de quoi remplir leurs besoins. Ils ont des besoins en nourriture pour leur famille, ils ne trouvent pas de quoi combler leurs besoins. Et donc le jeûneur, après cela, il va s'efforcer d'aider ses frères, les jeunes, aider ses frères, les pauvres. Ayyuha al-ikhwa wal-akhawat. Oh mes frères et sœurs, as-siyamu lahu fada'il kathira. يحسن ذكر بعضها قبل الدخول في الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله. Et donc les frères, le jeûne, c'est un acte d'adoration qui a beaucoup de mérite. Et certes, il est correct ici, il convient de citer certains de ces mérites avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de commencer à lire les ahadiths que l'auteur a cités. Abdel Ghani al-Maqdisi rahimahullah. Il convient donc de lire certains de ces ahadiths afin d'en profiter. فمن فضائل الصيام أنه يخفف شهوة الذين لم يستطيعوا الزواج. Parmi les mérites du jeûne, le fait qu'il va diminuer les désirs de tous ceux qui n'ont pas la capacité de se marier. أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. البخاري et مسلم ont cité selon ابن مسعود رضي الله عنه que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: Oh les jeunes, celui d'entre vous qui a la capacité de se marier, alors qu'il le fasse. Alors qu'il le fasse, فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرُ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. Car le fait de se marier va faciliter le fait de baisser le regard. Et aussi, cela est plus facile pour préserver ses parties. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءَ. Et celui qui n'a pas la capacité de se marier, alors qu'il jeûne. Car celui-ci est pour lui une protection. Le fait qu'il jeûne va diminuer ses désirs. Et donc, parmi les mérites du jeûne, le fait de diminuer les désirs de l'individu. وَكَذَلِكَ السِّيَامُ سَبَبٌ لِلْإِبْعَادِ مِنَ النَّارِ. Aussi, le jeûne est une cause pour s'éloigner du feu. أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. البخاري ومسلم cité selon Abi Sa'id al-Khudri رضي الله عنه que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: celui qui jeûne un jour dans le sentier d'Allah, un jour pour Allah azza wa jalla, Allah éloignera son visage du feu de 70 automnes, c'est-à-dire 70 ans. 70 ans. Allah éloignera son visage du feu. Et donc le fait de jeûner est une cause d'éloigner du feu. Et ce même hadith, on le verra, inshallah ta'ala, il est cité dans le livre, mais un peu après le milieu, bi-idhnillah ta'ala. Wa akhraj al-Bukhari wa Muslim an Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qaal fitnatu ar-rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi yukaffiruha as-siyamu was-salatu was-sadaqah والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. البخاري ومسلم cité selon Hudhayfa ibn al-Yaman رضي الله عنه que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la fitna, la tentation de l'homme dans sa famille, son argent, sa propre personne, son enfant, ses voisins sont expiés par le jeûne, la prière, l'aumône, le fait d'ordonner au bien et d'interdire le mal. Ce qui est voulu, al-murad bil fitna, ce qui est voulu par la tentation ici, huwa ma qad yaqa'u fihi ar-rajul mimma yata'allaq bi hadhihi al-madhkurat. Et donc, c'est ce qui est voulu par la tentation ici, c'est ce que l'homme peut accomplir comme chose illicite. Concernant les choses qui ont été citées, il va accomplir des choses illicites avec sa famille, avec son argent, avec ses enfants, avec ses voisins. Tout cela s'est expié par le jeûne. La salat, el amru bil ma'ruf, le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Fasiyamu min asbabi takfir adh-dhunub. Et donc le fait de jeûner fait partie des causes d'expiation des péchés. Wa antum tahfazun qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam as-salawat al-khams wal jumu'a ila al-jumu'a wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma baynahun idha ijtunibat al-kaba'ir. Et vous mémorisez le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit les cinq prières. Entre les cinq prières, et d'un vendredi à un autre, et d'un ramadan à un autre, sont des moyens d'expiation des péchés qui sont entre les deux. Qui sont entre eux. Donc les moyens d'expiation des péchés entre ces actes d'adoration. Si les grands péchés sont délaissés. À condition que les grands péchés soient délaissés. Wa kadhalika mimma yadullu ala fadli siyam. أن الله تبارك وتعالى خص بابا من أبواب الجنة للصائمين. Et pour finir, parmi les éléments qui montrent les mérites du jeûne, le fait que Allah تبارك وتعالى a spécifié une porte parmi les portes du paradis aux jeûneurs. Parmi les portes du paradis, il y a une porte qui est spécifique aux jeûneurs. Cette porte, elle s'appelle Rayyan. Une fois, j'étais choqué, il y avait un monsieur, il avait son fils qui s'appelait Rayyan. Rayyan, qui avait, allez, un peu plus de 10 ans. Son père qui l'empêchait de jeûner. Je dis, Allah, tu nommes ton fils Rayyan. Et tu l'empêches de jeûner. Subhanallah. Et donc, أخرج البخاري ومسلم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال الريان. البخاري ومسلم ont cité dans leur recueil selon سهل بن سعد que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit il y a certes dans le paradis une porte qui est appelée الريان. En français, ils disent Rayan. Et donc la porte est appelée Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-sa'imun yawm al-qiyamah. Les jeûneurs vont rentrer de cette porte au jour de la résurrection. Wa la yadkhulu ma'ahum ahadun ghayruhum. Et aucune personne en dehors d'eux n'en rentrera avec eux. Aucune personne en dehors d'eux ne rentrera avec eux. Yuqalu ayna as-sa'imun. Il sera dit où sont les jeûneurs? Où sont les jeûneurs? فَيَدْخُلُونَ مِنْهُ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ أو فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ. Et donc il sera dit où sont les jeûneurs, et lorsque le dernier d'entre eux sera rentré, la porte sera fermée. Personne ne rentrera par cette porte après cela. Et donc cela montre les mérites du jeûne, le fait que nous devons jeûner. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصائمين الذين ينتفعون بصيامهم. On demande à Allah تبارك وتعالى qu'il nous place parmi les jeûneurs, ceux qui profitent de leur jeûne. وأن يبلغنا رمضان. Et de nous faire permettre de parvenir au mois de Ramadan. Il est certes capable de toutes choses. On va continuer, inshallah ta'ala, dès demain, la suite du chapitre du jeûne. On va lire le premier hadith demain bi'idhnillahi ta'ala. On demande à Allah Azza wa Jal qui nous accorde la réussite. Il est certes capable de toutes choses. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khayran.